patron, c'est comme les cochons. Ça ne mérite, oui, qu'une volée de plomb. Et la seule chose que ça sait faire, c'est de voler ses propres frères. Alors arrêtons de nous laisser faire. On en a marre, oui, de la misère. Allons reprendre ce qu'on nous doit à ces salopards de bourgeois. Oui, on est flingue citoyens, votons le cul à ces crétins. Ce sont les bâtards en costard qui assassinent à coups de la. Oui, on est flingue citoyens, votons le cul à ces crétins. Votons le cul à ces crétins. Les patrons, c'est comme les cochons. Ça ne mérite que la pendaison. Ce sont des gens sans foi ni loi, des mouches à merde qu'on n'a pas. Alors arrêtons de nous laisser faire. Soyons plus forts, oui, que la misère. Crois-moi, est dur et pérennaire pour une poignée. Il est interdit de salarier un homme. Démission à la moustache du capitaine. Thank you. We just listened to Rock Français Engagé with Le Travail, then Les Salles Majestés with Les Patrons, and Les Villards with Démission pour Claire. Now, we're going to listen to our friend from Canada, Les Cowboys Fringants, with La Manifestation, The Protest, then HK et Les Saltimbanques with Ma Parole, My Word, and L'Inconsolable with On Vaut Mieux Que Ça, We Are Worth More Than That. Gaillot, accoutré comme des hippies avec les yeux rougis. Cheveux longs et surplus d'armée en bédaine et jouant du tam-tam. On se serait cru 30 ans passés pendant la guerre du Vietnam. Il y avait tous les clichés de l'époque, des granolas, des chemises en macramé, aux pieds poilus en dessous des bras. Dans grande majorité du cégep du vieux Montréal, tout cela pour manifester contre les multinationales. Et la mince foule grelottait en ce froid jeudi de printemps. Et aux étudiants qui boxaient s'ajoutaient quelques passants. Des marxistes, léninistes, des militants pour le pot. Et une couple d'écologistes ont investi le spot. On écoutait le vieux cinglé qui se prenait pour Castro avec son képi d'officier et son couteau de Rambo. Mais on a vite constaté qu'il lui manquait un marteau quand il nous a proposé de faire un concours de limbo. À la manifestation, du boulevard René Lévesque, ils ont envoyé l'anti-émeute et des policiers sur leur bike pour contrôler la meute. Ça se déroulait pacifiquement sans trop écorcher le système. Et on scandait des beaux slogans contre les OGM. Quand soudain sont débarqués des types un peu extrémistes ou de ninja cagoulés, se proclamant activistes comme des petits Che Guevara. Ils ont pitché deux, trois pétards. Les bœufs sont rentrés dans le tas. Je jure qu'ils ont pas veillé tard. À la manifestation, on révèle l'évolution. Se jette dans le cul avec une poignée de bombards. La pluie froide du mois de mars. Et là ça a dégénéré car en guise de protestation, les beatniks sont déshabillés pour faire un danseton. Les policiers en beaux fusils ont sorti menottes et matraques et ont approché les hippies à grands coups de jarnac. Pendant que les écologistes pleuraient devant tant de sévices en implorant Jésus le Christ de stopper l'injustice, on entendait les chiens japper à travers le puits des sirènes, ben étouffées par la fumée. Des gaz lacrymogènes, au même moment, la gang de fils qui dansait à poil sous la pluie faisait comme un remake de Grease. En version hillbilly, quand le ciel s'est déchaîné, il s'est mis à tomber des clous, ils ont pris leurs jambes à leur cou. Et ce fut terminé, pas qu'on est rentré déçu, tout mouillé et abattu, en croisant les écolos dans le portique de McDo. J'en suis venu à conclusion, ça va prendre bien du soleil, sinon c'est pas demain la veille qu'on va faire la révolution. À la manifestation, c'est vrai qu'on n'a rien changé. On a posé un bouchon de circulation, ça fait toujours bien ça. Ô peuple de France, je ne te mentirai pas, je ne te trahirai pas, je ne te décevrai pas. Comme je disais l'autre soir à mon vieil ami Johnny, je vais te redonner l'envie d'avoir envie. Je fais des miracles comme une sorte de messie. J'ai fait revenir d'outre-tombe Mireille Mathieu et compagnie. Si tu es malade, donne-moi ta main, tu seras guéri pour de bon. Mais si tu veux pas que je te touche, eh bien casse-toi, pauvre con. Ouais, je te parle d'un rêve à la française. Dans 5 ans, on roulera tous en gros spin, spin, spin, spin. Au poignet de chaque Français, j'irai moi-même mettre une Rolex. Et tous ensemble, on ira fêter ça au Phuket. Je te donne ma parole. On sera tous habillés par Dolce & Gabbana. On ira tous en vacances sur le yacht d'un ami à moi. On portera tous des lunettes de soleil en plein hiver. On mangera du caviar, adieu sandwich et pommes de terre. On sera tous riches, très riches, encore plus riches que Crésus. On travaillera plus pour gagner plus. Et pour se reposer le cerveau, il y aura toujours TF1, Insécurité, Arthur, Jean-Pierre Pernaut. À ce qu'on sera bien, tu liras Paris Match, Le Figaro et le journal du dimanche. Et dans ta rue, en bas de chez toi, il y aura plus de clochards qui feront la manche. Ils seront tous outre-manche ou quelque part dans la mer. En tout cas pour ça, tu peux me croire, ils seront ailleurs. Je te donne ma parole. Vivre avec toi la plus belle des plus belles histoires d'amour. Je t'offrirai une bague avec le plus gros des diamants. Devant les caméras, on se fera un week-end à Disneyland. Je t'offrirai toutes les premières pages des magazines. On ira tous les deux dans ma limousine. On fera le tour du monde, je te présenterai mes amis. Vladimir Poutine et peut-être même Berlusconi. Je suis tellement heureux avec toi, le reste je m'en fous. La politique, ma carrière, la France, dans tes bras, je dis tout. Tu es belle, belle comme une promesse électorale, belle comme une élection présidentielle. Je te donne ma parole. Que les gens acceptent qu'on les assaille. Non, on vaut mieux que ça. Qu'on laisse gouverner le patronat. On vaut mieux que ça. Qu'une fesse gouvernée par vos doigts. On vaut mieux que ça. Quelques irréductibles gaulois face à l'envahisseur bourgeois qui voudrait piétiner nos droits. On vaut mieux que ça. La loi El Khomri. On vaut mieux. Et toutes ces conneries. On vaut mieux. Marre de ces moqueries en haut lieu nous. On vaut mieux que ça. Que toutes leurs tromperies. On vaut mieux. Ça paye pas le bon prix. On vaut mieux. On a bien compris qu'on vaut mieux, ouais. On vaut mieux que ça. La réduction des temps de repos. Les salaires peuvent faire de gros bons en arrière quand le haut. La pyramide me faut d'ajouter le fractionnement des 11 heures de la journée. On vaut mieux. Repos et euros à journée, non. On vaut mieux que ça. Les heures supplémentaires peuvent être 5 fois moins majorées. Les apprentis mineurs peuvent trimer 10 heures par jour. Les heures partielles à 24 heures. La semaine à 35 heures. Et d'autres types t'as à cœur que cette loi vise à chourer. C'est au service des exploiteurs. Des groupes les plus dévastateurs. À qui cette loi fait des faveurs. Que l'État a couré. Le plafonnement des indemnités, on peut pas se gourer. C'est pas pour aider le salarié car on vaut mieux que ça. Les plans de sauvegarde de l'emploi consistent en à virer les salariés sans quoi la barque est censée chavirer. Pour prétendu motif économique au lieu de ça. Black ils pourront se faire sans raison, mais on vaut mieux que ça. Passer de 10 à 12 heures de travail par jour, on vaut mieux. L'extension du dispositif forfait jour, on vaut mieux. Bosser gratos pour leurs beaux yeux par amour, on vaut mieux. Oui, patron à coup, on vaut mieux. Ouais, on vaut mieux que ça. Et puis c'est vrai qu'aller s'épuiser, on vaut mieux que ça. S'enliser dans l'entreprise et se mépriser, on vaut mieux que ça. S'échiner, mieux que ça. Et se ruiner, mieux que ça. Et trimer pour déprimer, puis déprimer, on vaut mieux que ça. S'abîmer pour pas un rond pour des patrons, on vaut mieux que ça. Souffrir comme en nation Emmanuel Macron, il vaut mieux pas. Chez Fayon, on vaut mieux que ça. Et la pointe, c'est ça qu'on compte en fait d'affront, on vaut mieux que ça. Faire taf, non, on vaut mieux que ça. Il vaut mieux que se tuer au boulot, que se maintenir la tête sous l'eau, que s'anesthésier le ciboulot. Pour l'heure, on vaut mieux que ça. Il vaut mieux que bosser au McDo, mettre en rayon des Pacto. On est loin de nos rêves d'ado, c'est vrai qu'on vaut mieux que ça. Perdre sa vie à la gagner, passer son temps à se manier. On est tous dans le même panier, et on vaut mieux que ça. Notre pouvoir pour un palier tant partis vont voir qu'on est pagnés si on cesse les accompagner, car on vaut mieux que ça. Grève générale, ad vitam aeternam, va, si par les réclames, ta petite parée, c'est le drame pour la bourgeoisie, car Ricard qui fabriquait sa cam, qui a trimé pour ses produits et sa gamme, sans salariat, aïe aïe aïe, ça va pas, ah bah ça tombe bien, combien vaut-on à ce stade-là, on vaut mieux que leur dire qu'on vaut mieux que ça, ils ont là appris, qu'on se moque de savoir combien on vaut, car on n'a pas de prix, pas de prix, on vaut mieux que ça, It was Les Cowboys Fringants with La Manifestation, then HK et les Saltimbanques with Ma Parole, then L'Inconsolable with On Vaut Mieux Que Ça. From Minnesota Native News, this is your COVID-19 daily update. Bonjour, Anin, I'm Cole Primo. Here's your daily update. The state of Minnesota has officially launched Rent Help MN, an effort to get emergency rental assistance to those affected by the COVID-19 pandemic. Leveraging about $375 million in federal assistance, a partnership of several counties and the cities of Minneapolis and St. Paul will be dispersing the money to renters. This is for those who need help paying rent and utilities to avoid eviction. Assistance can cover up to 15 months of past rent or utilities beginning March 2020 and 3 months' worth of future rent. Here's Lieutenant Governor Peggy Flanagan in a recent press conference. We know that many families are still out of work or have reduced hours or have had to quit jobs to care for their children or loved ones. Rent Help MN will help. I'm a renter, and every month I make my rent payment, and it is the single biggest payment that I make. If you've not been able to keep up with rent or utilities, we have help, and we have hope. And again, I'm going to keep saying it. In order to qualify, Minnesota residents must rent and have past due bills, qualify for unemployment, or were negatively impacted by COVID-19. For more on qualifications and how to apply, go to renthelpmn.org. That's renthelpmn.org. Minnesota Housing Finance Agency Commissioner Jennifer Ho says the program is brand new, so it may take a bit for payments to make it to individuals. I'm Cole Primo. This Minnesota Native News COVID-19 Daily Update is supported by the Minnesota Department of Health. Go online to mnnativenews.org to find more COVID-19 stories and information from Minnesota Native News. Now we are going to listen to Gavroche with Le Combat Continue. The fight keeps on going. Then we're going to listen to MAP, which means Ministère des Affaires Populaires. And the name of the song is Appelle-moi Camarade, featuring Kenny Arcana. Then we're going to listen to Musique Idolée with My Philosophy, or My Way of Living. Compagnon de rue, le combat continue. Levons les poings, car l'avenir est incertain. Compagnon de rue, le combat continue. Nous appartient les ouvriers, licenciés, les syndicats, menacés, le droit de grève, censuré, le patronat, courons camarades, le vieux monde est derrière nous, les barricades n'attendaient plus que nous. Continue, levons les poings, car l'avenir est incertain. Compagnons de rue, le combat continue. Main dans la main, notre avenir nous appartient. La royauté restaurée, la république sous les pavés, les injustices scandalisées, les avocats déboutés, debout camarades. Lève-toi pour tes droits, les barricades n'attendaient plus que toi. Compagnon de rue, pognon de rue. Le combat continue, main dans la main, notre avenir nous appartient. Les sans-papiers expulsés, les sans-abri délogés, la mendicité pénalisée, les rémistes cassés, les prisonniers entassés, la liberté enchaînée, tous nos bourreaux analysés. Mais le top insurgé, connais-tu la fin de cette chanson? Qui peut nous meuler droit en prison? Si tu veux que je te la présente, c'est la révolution permanente. C'est la révolution permanente. Compagnons de rue, le combat continue. Levons les poings, car l'avenir est incertain. Compagnons de rue, le combat continue. Compagnons de rue, le combat continue. Compagnons de rue, le combat continue. Compagnons de rue, le combat continue. Compagnons de rue, le combat continue. Combattant, résistant, militant, indomptable, insurgé, insoumis, rebelle, infatigable, esprit libre, vagabond, nomade, si tu penses que le monde est crade, appelle-moi camarade. Si comme moi tu penses qu'il faut se radicaliser contre l'ordre établi, refuser d'obtempérer si t'en as marre de ressembler à un mouton, si t'as l'audace de Rosa Parks, si t'as compris Francis Fanon, appelle-moi camarade si tu sais pas rester dans le rang, si t'as la flamme, l'espoir et le couteau entre les dents, si t'enrages quand t'as un flic te dévisage, si t'étouffes comme un tolard dans sa cage, appelle-moi camarade si t'as capté les mécanismes, les rouages du système, comment ils neutralisent, comment ils manipulent, désinforment et nous divisent. Reste lucide parce qu'il est l'heure qu'on se mobilise. Si tu penses qu'on est du même côté de la barrière, du même côté du mur, du côté lanceur de pierre, du côté des larmes, du côté de la misère, du côté palestinien, tu peux m'appeler mon frère. Combattant, résistant, militant, indomptable, insurgé, insoumis, rebelle, infatigable, esprit libre, vagabond, nomade, si tu penses que mon écrade, appelle-moi camarade. Combattant, résistant, militant, indomptable, insurgé, insoumis, rebelle, infatigable, esprit libre, vagabond, nomade, si tu penses que mon écrade, appelle-moi camarade. Appelle-moi camarade, parce que mes larmes sont les tiennes sont les miennes, bref nos peines sont les mêmes, on se démène pour éviter l'abattoir. Ouais je me démerde, merde sans perdre de vue l'étoile qui m'a dit pas toi. Je manie la plume comme Marcos, la rage d'une cassos, prête à lâcher le mic s'il faut mourir pour la cause. Je rappe la force, je rappe l'espoir, je rappe la fratrie, issue d'une génération endormie par la matrice, enfant de l'insomnie, bordé par le macadam, bercé par le vague à l'âme. Appelle-moi camarade, cause d'un monde bien malade, où tout le monde s'en bat la rage, braclé au parleur avec des rimes dans lesquelles parle la rage. Anti-norme, impossible à encarter, autonome comme les anarachrans, comme les frères de quartier. C'est l'heure d'unir car l'urgence nous rattrape, dans le meilleur ou dans le pire, on est ensemble camarades. Combattant, résistant, militant, indomptable, insurgé, insoumis, rebelle, infatigable, esprit libre, vagabond, nomade, si tu penses que mon écrade, appelle-moi camarade. Combattant, résistant, militant, indomptable, insurgé, insoumis, rebelle, infatigable, esprit libre, vagabond, nomade, si tu penses que mon écrade, appelle-moi camarade. Ils ont enfermé nos rêves, braqué nos idéaux, ils ont canassé nos révoltes, ils ont fait taire ceux qui parlaient trop. Ils ont jugé que nos colombes obscurcissaient leur ciel, ils les ont toutes butées de leur sang, ils ont fait leur miel. Silence on tue, silence on assassine, on élimine tous ces illuminés qui voudraient changer le scénario du film. Leurs dessins, on les connaît par cœur, je veux pas te refaire le tableau. Ce monde est hardcore, patrie, pétrole et pouvoir, leur chef-d'œuvre du grand art, y'a qu'à regarder pour voir. On est mort sans savoir, comme asphyxié, en perte d'oxygène, comme enchaîné à la destinée de cité où la bourse règne. J'étouffe, j'aimerais tellement changer d'air, mais au fond de moi je sens bien que c'est ce putain d'air qu'il nous faut changer. C'est une simple question de survie, bien plus qu'une croisade, armée de l'ombre en embuscade, pas moi ce camarade. Combattant, résistant, militant, indomptable, insurgé, insoumis, rebelle, infatigable, esprit libre, vagabond, nomade, si tu penses que mon écrade, appelle-moi camarade. Combattant, résistant, militant, indomptable, insurgé, insoumis, rebelle, infatigable, esprit libre, vagabond, nomade, si tu penses que mon écrade, appelle-moi camarade. Combattant, résistant, militant, indomptable, insurgé, insoumis, rebelle, infatigable, esprit libre, vagabond, nomade, si tu penses que mon écrade, appelle-moi camarade. Combattant, résistant, militant, indomptable, insurgé, insoumis, rebelle, infatigable, esprit libre, vagabond ou nomade. Si tu penses que le monde est crade, appelle-moi camarade. On n'a qu'une philosophie, être payé pour le caddie. Malgré tout ce qu'on nous dit, on reste le poing levé. Pour le meilleur sans le pire, nous sommes salariés, pas des martyrs. Nous avançons bien rangés, mais toujours le poing levé. Lever la tête, bomber le torse, sans cesse redoubler d'efforts. La vie ne nous laisse pas le choix, nous aussi on a des droits. Malgré nos efforts, pas d'oseille, et s'ils ne pensent pas à nos payes, nous lèvera le poing encore plus haut. Les femmes, ça met les boules. Ça sert à échauffer les foules. Salariés, fiers d'être populaires. Il nous faut bien plus de salaire. Bien plus d'argent que de misère. Bien plus pour acheter de la pierre. On n'a qu'une philosophie. Revendiquer bien plus d'acquis. Avec la force et le sourire. Le poing levé vers l'avenir. Lever la tête, bomber le torse. Sans cesse redoubler l'effort. La vie ne nous laisse pas le choix. Nous sommes là de payer le roi. Viser la thune, pas juste pour du beurre. Même à l'usure, on y croit encore et en cœur. Des belles manies, avec les fous j'en ferai. J'en ai déjà fait, mais toujours le point levé. Viser la lutte, ça nous fait pas peur. Même à l'usure, on y croit. It was Gavroche with Le Combat Continue, then Map with Appelle-moi Camarade featuring Kenny Arcana, then Musique Idolée with Ma Philosophie. Hello, bonjour, this is Freddy Le Tite Ideal. Welcome to French and Francis radio show Therapy on KFAI.org. I am originally from Paris and now living in Minnesota. I wanted to play songs and bands that were influential in France. The styles will vary, going from electronica to rock. Feel free to send me feedback, frenchandfrancis@gmail.com. Now we're going to listen to Gilles Courcourale with a song called La Fête du Travail, Labor Day. Then Passepartout with Chanson du Travail, Song About Work, and Beau Soleil, our Cajun friends, with Travailler c'est trop dur, Working is too hard. We often hear several versions of this song, and this year I decided to use Beau Soleil. Il a plu toute la nuit, ma seule envie c'est de rester dans mon lit. Pour le premier jour de mai, le repos, c'est la santé. Je ne vais pas me lever pour lever le pied. Autant rester sous la couette à rêvasser. En jouant cette chanson qui tourne au reggae. Ni social, ni politisé. Dans le genre de Bob Marley, c'est la sieste pour haïr les Sélassiers. Les Jamaïcains sont loin, dans les volutes de leurs joints. Chacun sa culture, la ganja ou le raisin. Travailler plus, gagner moins. Aujourd'hui n'est pas demain. Le 1er mai est français, pas américain. Autant rester sous la couette à rêvasser. En jouant cette chanson qui tourne au reggae. Ni social, ni politisé. Dans le genre de Bob Marley, c'est la sieste pour haïr les Sélassiers. Le soleil va se lever quand la nuit cessera de tomber. Le soleil n'est pas levé. Ce n'est pas encore l'été. Le monde peut bien défiler, le front bas, le verbe haut. Moi je préfère mon oreiller au drapeau. Les seuls qu'on voit travailler, ce sont les vendeurs de muguet. Au mois de mai, tu peux faire tout ce qui te plaît. Autant rester sous la couette à rêvasser. En jouant cette chanson qui tourne au reggae. Ni social, ni politisé. Pas le genre de Bob Marley. C'est la sieste pour haïr les Sélassiers. Aujourd'hui c'est vendredi, il a plu toute la nuit. Tout est ok, je fais le pont jusqu'à lundi. Je fais le pont jusqu'à lundi. Je fais le pont, pont, pont, pont jusqu'à lundi. Quand ma grande bouche fait miam miam miam, livre livreur de paix, t'es là pour ça. Livreur de paix, t'es là pour moi. Je te donne des sous, tu me donnes ton aide. Pour mon problème, t'as un remède. C'est ton travail, c'est ton métier. Quand je suis mal pris, il faut m'aider. Quand mes culottes font crac, crac, crac. Quand mes boutons font flip, flap, flop. Bonne couturière, t'es là pour ça. Bonne couturière, t'es là pour moi. Je te donne des sous, tu me donnes ton aide. Pour mon problème, t'as un remède. C'est ton travail, c'est ton métier. Quand je suis mal pris, il faut m'aider. Belle à mon bébé. Travailler, c'est c'est trop dur et voler, c'est pas beau. Pour moi, la charité, c'est quelque chose pour ma peine. Chaque jour de ma vie, on demande quoi je vais. Je recevais ce l'amour et j'espère de mes vieux. Je recevais ce l'amour et j'espère de mes vieux. It was Gilles Courcouroil with La Fête du Travail, then Passepartout with Chanson du Travail, and Beau Soleil with Travailler c'est trop dur. Do you love variety in your life? Well then KFAI is the radio station for you. Our supporters help power the content you love. Help fuel our frequencies by becoming a monthly donor today at kfai.org/donate. Support KFAI. Go to kfai.org and click the donate button. Now, we're going to listen to Henri Salvador with a classic. Le travail, c'est la santé. Working is being healthy. But in the lyrics, it also says after that, doing nothing is healthier. Then we're going to listen to Pink Martini with Sympathique. And Les Parisiennes with Il fait trop beau pour travailler. It's too nice out to work. Le travail, c'est la santé. Rien faire, c'est la conserver. Les prisonniers du boulot font pas de vieux os. Ces gens qui courent au grand galop en auto, métro ou vélo. Vont-ils voir un film rigolo? Mais non, ils vont à leur boulot. Le travail, c'est la santé. Rien faire, c'est la conserver. Les prisonniers du boulot font pas de vieux os. Ils bossent 11 mois pour les vacances et sont crevés quand elles commencent. Un mois plus tard, ils sont costauds. Mais faut reprendre le boulot. Allez, tous ensemble là. Le travail, c'est la santé. Yeah!

it was Henri Salvador with Le Travail, c'est la santé, Pink Martini with Sympathique, and Les Parisiennes with Il fait trop beau pour travailler. You're listening to Fresh Air Community Radio, KFAI, 90.3 FM in Minneapolis, Saint Paul, and streaming at KFAI.org. The program you're listening to is Bonjour Minnesota. And now we're going to talk about the events. First, what I want to say about the events is that in the past we used to only do the local ones, but due to the COVID, a lot of the events moved online, and therefore some other Alliance Française and some other events are accessible from wherever we are. So because there's way more, I can't really spend as much time to describe the events. Therefore, I'm going to be a little bit more succinct, and I'm going to bounce it to either the Facebook event. I will specify in each case if it's a Facebook event. In this case, it's on our Facebook page because we share the event. Or if it's an Alliance Française event, and typically you can get some more information at afusa.org, and from there you can get more specifics, you know, cost, language used, that sort of things. I also decided not to share the French conversation group outside of the Twin Cities, in the sense that they are typically local to meet people. And that's about it. So here we go. The first event I want to talk about is Wednesday, May 5th at 12:30 p.m. Central. All the times are going to be listed as Central. And it is the Déjeuner en Français online. And it's organized by the Alliance Française Minneapolis-Saint-Paul. And it's a Facebook event. But you can also get more information at afmsp.org/events. There's a small cost, and the cost is different whether you're member or not. Then, starting on May 5th, but going until May 26th, the Alliance Française de la Nouvelle-Orléans, en français, present La Louisiane de 1699 jusqu'à terre. So, jusqu'à terre is a word that's probably Cajun, because that doesn't really exist in French, but I'm assuming that means until today. And if you go to afusa.org in the event about La Louisiane, you can see that there's a section, I mean, there are some dates about l'histoire, la langue, la culture, et les enjeux politiques. So, it's different webinar. It is free. Also, on May 5th, at 4 p.m. Central, FFC Worldwide Wednesday, it's organized by the Alliance Française of Greenwich, and it's to talk about a movie called Yves Saint Laurent with Pierre Niney and Guillaume Gagnaire. And so you can watch the movie either on Tubi or on Amazon, and you need to register in order to get the Zoom link to get the conversation and talk about the movie with Joe Mayers. Starting May 6th until May 11th at 12 p.m., there's a film called Lamb, or the movie Lamb, sur le site de Yves Cinéma à la carte. It's organized by the Alliance Française du Manitoba. It's a Facebook event, and there's a link on the Facebook page or the event to go to the yvescinema.institutfrancais.com. So you have 5 days to watch it, and that seems pretty nice. There is no cost. Starting May 6th at 12 p.m. Central, there's an event called The Romans, a Shared European Culture Heritage, London and Pasteur. And it's an event organized by the Alliance Française of Manchester, England. And they have a link toward the eventbrite.co.uk. There's no cost that I can tell, and it takes about 2 hours, but there's more dates. There's also some on May 12th with different contents. So you can go in the Facebook event and check it out and see what you like. To be continued. Now we're going to listen to Gypsy with Prolétaire, then Cléa Vincent with N'allez pas travailler, Don't Go to Work, and the band called Les Malpolis, or the Non-Polites, with On Veut Pas du Travail, We Don't Want to Work. Et vous me prenez pour un vagabond. pas travailler. La culpabilité n'a pas d'utilité. Rien ne va s'arrêter. Calmez-vous les stressés. Tout ça n'a aucun sens. Paris est tout petit. Tentons la décroissance. Dans les supermarchés, je ne sais plus où marcher. Dans ma tête, la panique, je perds le nord magnétique. Supermarché, je ne sais plus où danser. Dans ma tête, c'est un fait, je perds le goût de la fête. N'allez pas travailler. N'allez pas travailler. Je me sens trop étriquée. Je me tue au labeur. Je voudrais m'amuser. Rester libre comme l'air. J'en ai marre. Quand tu seras grand, je trouvais ça con comme question quand j'étais enfant. Je travaillerai 8 heures par jour, 5 jours par semaine. À ce régime, j'aurai pas le temps de faire ce que j'aime. De bilan de compétences en stage de formation, tu te reconnais plus, t'as le vocabulaire d'un patron. Y'en a 20 comme toi derrière pour prendre ce job. Qui a l'air chiant comme l'enfer et payé pot-sob. C'est parti, tu vas produire de la merde en tube et la fourguer à des pauvres gens avec un peu de pub. Ou dans un atelier devenir plus con qu'une machine, jusqu'au jour où en arrivant y'a même plus l'usine. Il paraît qu'on veut redonner goût au travail en France. Alors faut trouver un goût sucré comme les vacances. De toute façon nous on a déjà trop de trucs à faire. Chouette, utile et rigolo qui valent mieux qu'un salaire. On veut pas du travail, on veut pas du travail. On veut pas du travail, on veut pas du travail. On veut pas du travail, on veut pas du travail. On veut pas du travail, on veut pas du travail. Des tirs au flanc, parasites et salauds. On fait ça pour le pays, l'idée nous vient d'en haut. une entreprise monte en bourse quand elle licencie. Comme quoi ne pas bosser c'est bon pour l'économie. Avec tout ce qu'on produit, sans parler de tout ce qu'on jette, pourquoi tout le monde n'a pas de quoi se remplir une assiette? Se trouver un toit même en ne bossant que le lundi. Et ceux qui veulent une télé, ils y retournent le mardi. On veut pas du travail, on veut pas du travail, on veut pas du travail, on veut pas du travail. Comment encore moi, oh. Pas du travail, pas du travail, pas du travail. On veut pas du travail, on veut pas du travail, on veut pas du travail, on veut pas du travail, on veut pas du travail, on veut pas du travail, on veut pas du travail, on veut pas du travail. It was Gypsy with Prolétaire, then Claire Vincent with N'allez pas travailler, and Les Malpolis with On veut pas du travail. So I usually just say like Sound Birthday Radio, but with Darren Carr and John John Scott, Saturday afternoon at KFAI 90.3 FM Twin Cities. So there you have it. And now more events. Peking with Bravo Man Team. It's on May 6th at 9 a.m. Central. It's organized by the French Cultural Center, Alliance Française of Boston. It's in English, and it's going to be with Chef Jasmine from Bravo Man. And it's online, and there's a cost, but you need to register anyway to get the Zoom link. On Friday, May 7th, Natural Cosmetic Workshop with Elodie. And it starts at 5 p.m. Central. It's organized by the Alliance Française de Washington, D.C., and it's in English. And cosmetic, as you can imagine, is about, you know, perfume and creams and everything that makes everybody prettier. It's in English, there's a small cost, and you need to register to get the Zoom link. If you want more information, you can go to afusa.org. Same thing for the baking. Friday, May 7th, starting at 6 p.m. Central, La Quinzaine de la Bretagne. Promenade Bretonne. So it's organized by the Alliance Française Minneapolis Saint-Paul. You need to get some tickets, and you can get some at afmsp.org. And it's a discovery of La Bretagne, or Brittany. La Quinzaine means like about 2 weeks, 15 days. And there's going to be different events. On Friday, it's an exhibit, and it's about Don Holschus, who's a painter, and will make you discover some of the painting that is done for about Brittany. So there's going to be more events about La Bretagne coming up with the Alliance Française Minneapolis Saint-Paul. On May 7th at 5 p.m. Central, discover France and its culture. So there's several dates, not only one, but I recommend that you go to the Facebook page. It's organized by the Alliance Française of Greater Orlando. Lasts about an hour. There is no cost, and it's to discover France and its culture. There's various dates with various topics. So that date, May 7th, is really the first one. Then, on Saturday, May 8th, at 12 p.m. Central, organized by the Alliance Française of Seattle, in English, Pamela Druckerman presents Paris by Phone. And she's author and journalist, and she lived in Paris, and she's going to talk about it. So there's no cost, but of course, because it's online, you need to register. I think I've seen her talking about her book already in a different Alliance Française. It's very common for some authors to just go around the various Alliance Française in the country. More information at afusa.org. Also, on Saturday, May 8th at 9:30 a.m. Central, Pouce Café Online, organized by the Alliance Française Minneapolis Saint-Paul. And if you want more information, you can go to afmsp.org/events. It's like the déjeuner concept, so there's a small cost, but it's led by one of the Alliance Française teacher, and you need to register in order to get the Zoom link. And last but not least, Apéro National French Conversation Group. It is from May 11th to May 12th, every second Tuesday and Wednesday of each month, Fédération of Alliance Française des USA. it starts at 4:15 Central, and on Wednesday, it starts at 7:15 Central. And the groups are hosted by two members of the Fédération of Alliance Française board. There is no cost, and you need to register to get the Zoom link. For more information, afusa.org. Et voilà, c'est fini. Back to the music. Now, we're going to listen to Nancy. And the name of the song is Faut pas être contre le travail. We shouldn't be against work. Then we're going to listen to Didier Super, which is a singer, but he's doing a lot of parodies. And his song is À bas les gens qui bossent. Let's go against working people. Then Les Fatal Picards with Dans un ciel de 1er mai. In the sky of a May 1st. Sculpteur d'ombre, tisseur de nuages, éclaireur de sombre et crieur d'orage, souffleur de trous noirs, pourfendeur de bourreaux, de foulard et appeleur d'apôtre. Il faut pas être contre le travail, faut juste en trouver un qui a. Il faut pas être contre le travail, faut juste en trouver un qui aille. Mais qu'est-ce qu'on a? Mais qu'est-ce qu'on a? Fileur d'escampette, dentiste à mordre, homme de droit à tordre, avocat pour crevettes, goûteur de mots doux, cracheur de mots durs, sableur de sablier, personne pour marcher. Faut juste en trouver un qui aille. Il faut pas être contre le travail, faut juste en trouver un qui aille. Mais qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Promoteur de gestes aimables, négociateur de sortie de table, éboueur de salauds, épocheur de fins de travaux, économisateur d'égoïsme, défenseur d'altruisme, ramasse dans l'eau de vaisselle pour marrer dans l'eau du bassin. Ça veut rien dire, mais ça sonne bien. Il faut pas être contre le travail, faut juste en trouver un qui aille. Il faut pas être contre le travail, faut juste en trouver un. Et c'est déjà pas mal. Mais qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Je sais ce qu'on a. Ouais, j'ai une idée. Cueilleur de fruits défendus, défenseur de causes perdues, chasseur de mauvaises pensées, pêcheur de péché. Mais faut pas être contre le travail, faut juste en trouver un qui aille. Il faut pas être contre le travail, faut juste en trouver un qui aille. Il faut pas être contre le travail, faut juste en trouver un qui aille. Il faut pas être contre le travail, faut juste en trouver un qui aille. Faut pas être contre le travail, faut juste en trouver un qui aille. Faut pas être contre le travail, faut juste en trouver un qui aille. Faut pas être contre le travail, faut juste en trouver un qui aille. Faut pas être contre le travail, faut juste en trouver un qui aille. Yeah. fait, la prochaine chanson, on a essayé de faire un vrai tube de merde pour les grosses radios à la con. Ils ont plus peur de dire tout haut que les chômeurs ils sont feignants. Mais qu'est-ce qu'ils sont contents de pas être à leur place. Et puis tous les matins, ils prennent tous leur bagnole. Et du coup à cause d'eux, y'a la guerre en Irak. Oh, oh, oh, à part les gens qui bossent. Oh, ils ont vraiment rien contre foutre. Oh, à part les gens qui bossent. Oh, franchement y'a pas quoi la ramener. Bon, combien là? Oh putain les mecs, eh, on a fait 2 minutes 4 et le format c'est 2:30-2:40. Eh, faut qu'on y retourne, ok? Allez, 3, 4. Oh, ah bah les gens qui bossent. Oh, ils sont pas épanouis. Oh, et allez on se lâche. Oh, ils sont pires que les nazis. Oh, ah bah les gens qui bossent. Oh, eh, ils sont pires que les nazis, c'est des américains. Oh. Stop! Stop! Eh hey, putain, eh! Hey, 2 minutes 52 les mecs! On pourrait te laisser nos blondes et ce comptoir une seconde si tu voulais. On pourrait se jouer de la montre, se souvenir qu'un autre monde on y croyait. Même si je vois bien que dans nos yeux y'a moins de flammes, y'a moins de feu. Moi j'aimerais redevenir un point levé dans un ciel de 1er mai. Je peux pas croire que t'aies oublié nos banderoles, nos défilés quand tout semblait encore possible, les heures au pied des cheminées de nos usines quand on luttait. Ne dis pas que tout s'est devenir un point levé dans un ciel de 1er mai. C'est plus un monde pour nous, je sais, mais accepter comment je pourrais. L'idée que ça n'est servi à rien, qu'on soit balayé comme des chiens au nom de la loi du plus fort, au nom de la loi du moins mort, j'en crèverais. Au nom de quoi, au nom de rien, au nom du fait que les gens viennent, ça les effraie. Une nuit de points levés dans un ciel de 1er mai. On pourrait délaisser nos blondes et ce comptoir une seconde si tu voulais. On pourrait se jouer de la montre, se souvenir qu'un autre monde on y croyait. It was Nancy with Faut pas être contre le travail, then Didier Super with Abat les gens qui bossent, les Fatal Picard with Dans un ciel de 1er mai. Now we're gonna listen to Trust with Bosser 8 heures, Working 8 hours. Then les Sales Majestés, The Dirty Majesties, with Sois pauvre et tais-toi, Be poor and be quiet. Then the band called Repos d'Alum with Sang Noir, Black Blood. Ton salaire, c'est le salaire de la sueur. La raison de bosse, c'est 8 heures. Ton salaire, c'est le salaire de la peur. Ouvre tes yeux autour de toi. Le syndicat se moque de toi. Regarde ces guillons pinasses. Ils n'arrivent pas à la godasse. Les autres ne sont pas sérieux. C'est qu'à celui qui te baisse le mieux. Le patronage, je t'en parle même pas. Il n'est bon que pour les coups bas. Travail pendant qu'une

entreprises montent en bourse quand elles licencient. Comme quoi ne pas bosser c'est bon pour l'économie. Avec tout ce qu'on produit, sans parler de tout ce qu'on jette, pourquoi tout le monde n'a pas de quoi se remplir une assiette? Se trouver un toit même en ne bossant que le lundi. Et ceux qui veulent une télé, ils y retournent le mardi. On veut pas du travail, on veut pas du travail, on veut pas du travail, on veut pas du travail. It was Gypsy with Prolétaire, then Claire Vincent with N'allez pas travailler, and Les Malpolis with On veut pas du travail. Now for this last series, we're going to listen to Mustang with Pôle emploi Gueule de bois. Pôle emploi is the place where you go when you want to find a job, because that's where they have the announcers and that's where they have the people who help you to find a job. And Gueule de bois is a hangover. But in French, it rhymes. Pôle emploi, gueule de bois. Gueule de bois is like wooden face, but yeah, really it's a hangover. Then Trio with Travailler plus, working more. They never ask for that. And to end it, Les Goguettes, which is a band who's doing satirical songs. And the name of the song is En Grève, On Strike. And it's a parody based on a tune called En Cloque from Renault. But they completely changed the lyrics and they're talking about, you know, the strike and the union and the activism and that sort of things. And he's in love with that woman and regardless of what she does, he still loves her and supports her. Sur mon sofa et regarder Gordon Ramsay sur tes vins. Je vais commander une énorme pizza. Laisse-moi profiter de ma gueule de bois. Je ne veux pas parler de l'avenir avec toi, de cette depuis des mois. As-tu l'impression que je suis en état? Tu t'es vu alors, ne t'étonne pas. Laisse-moi profiter de ma gueule de bois. Toi aussi tu aimais sortir autrefois. On s'amusait tellement. Souviens-toi, on baisait même sous des porches parfois. On n'avait jamais la gueule de bois. J'ai reçu mon virement de peau. change de là. Laisse-moi profiter de ma gueule de bois. Oh, laisse-moi profiter de ma gueule de bois. Ouh, laisse-moi profiter de ma gueule de bois. Laisse-moi profiter de ma gueule. On n'a pas voté pour travailler plus. Je pensais avoir gagné mes 35 heures. Dur labeur que l'usine ou d'être rameneur. Je suis le monde ouvrier.